Chapitre 13e, Grief contre Barbara. C'était par une chaude après-midi, ou plutôt par une belle soirée d'été. Car 7 heures avait sonné, déjà les rayons du soleil pâlissaient et se mouraient lentement en effleurant une dernière fois le jardin du juge Hare. Le juge, sa femme et Barbara étaient tous trois assis à table, prenant le thé. Il semblerait que dans cette maison, l'on mangeât sans cesse. Jusqu'à présent, en effet, nous avons toujours surpris la famille, soit au déjeuner du matin, soit à dîner, soit au thé, soit au repas du soir. Barbara était en larmes, car son père venait de lui faire une scène assez vive. La pauvre Madame Hare, qui n'osait jamais émettre son opinion ni contrarier son mari, courbait tristement la tête. Elle aurait voulu élever la voix pour défendre sa fille, mais elle était pour cela trop faible et trop timide. Barbara s'était rendue coupable, aux yeux du moins de Monsieur Hare, d'une faute très grave. Elle venait de refuser une proposition de mariage tout à fait acceptable. Il importait peu du reste à M. R. que ses filles vissent leur jeunesse se flétrir, ou qu'elles devinssent d'honnêtes mères de famille. Il n'était pas non plus tourmenté du désir de voir Barbara quitter la maison. Non, bien au contraire. La présence de Barbara lui était agréable, et il aimait la voir près de lui, quand cela n'eût été que pour épancher sur elle sa mauvaise humeur. L'argent n'était pour rien non plus dans cette affaire, car Barbara possédait une belle fortune qui lui assurait, mariée ou non, une position indépendante et heureuse. Le déplaisir que causait à M. Earle les refus réitérés de sa fille n'avait sa source dans rien de semblable. Que deviendrait le monde si l'on supprimait le bavardage et les mauvaises langues? C'est au monde à dire. Pour notre compte, nous devons nous borner à reconnaître qu'il eût été aussi impossible à Westline de se passer du commérage habituel aux petites villes qu'un homme de se passer de nourriture. Westline était sans cesse tourmenté du besoin de se mêler des affaires d'autrui, et Westline avait peine à comprendre pourquoi Barbara Hare s'obstinait à rester Mademoiselle Barbara Hare. Ceci préoccupait, inquiétait et tourmentait Westline. De toutes les jeunes personnes du pays et des environs, Barbara était assurément celle qui devait être recherchée de préférence tant à cause de sa beauté et de sa distinction qu'à cause de sa fortune. Et cependant, oh merveille, elle ne se mariait point. On se mettait donc l'esprit à la torture pour tâcher de découvrir la raison, la cause d'une pareille disgrâce. L'opinion générale, cependant, fut que le crime imputé à son frère était le motif véritable de ce fait étrange, et par malheur, cette ridicule conjecture arrivait aux oreilles du juge. S'il était un point sur lequel M. Hare donnait volontiers cours à sa colère, c'était assurément celui qui avait trait à ce mystérieux et déplorable événement. Entendre dire et colporter partout que Barbara ne se mariait point et que personne ne voudrait d'elle à cause de son frère, cela lui navrait le cœur et le surexcitait au suprême degré. N'était-ce pas en effet faire rejaillir sur sa fille, sur lui-même, sur sa famille entière, l'ignominie dont s'était couvert son fils? Il aurait volontiers, d'un coup de son pied, lancé toutes les commères de Westline dans la mare verdâtre, bourbeuse et empestée du pays, afin de les y laisser étancher tout à l'aise leur soif de curiosité. Il aurait bien voulu aussi pouvoir arrêter Richard et le traîner lui-même devant les tribunaux. Il eût été bien aise, enfin, que Barbara fît n'importe quel mariage, qu'elle accepta le premier venu, car cela eût mis un terme à tous ces bruits scandaleux. Barbara avait déjà refusé 3 parties, elle venait d'en refuser un 4e, et c'était là ce qui exaspérait son père. « Vous agissez ainsi pour m'agacer, pour m'irriter !» cria le juge d'une voix de tonnerre, tout en administrant à la table un vigoureux coup de poing qui fit bondir de frayeur les tasses et la théière. « Je vous jure que non !» sanglota Barbara. « Alors, quelles sont vos raisons ?» Barbara garda le silence. « Vous ne répondez point. Vous n'avez aucune excuse à donner. Que vous a donc fait le major Thorne? Pourquoi n'en voulez-vous point? Allons, parlez, mademoiselle, il me faut une réponse. Je ne l'aime point. » balbutia la jeune fille. « Vous ne l'aimez point !» répéta M. R. « Mais c'est là un mensonge. Vous l'avez toujours fort bien reçu quand il est venu vous voir. »« Comme connaissance, comme ami, » ajouta Barbara, « mais non pas comme futur mari. »« Vous ne l'aimez pas comme mari !» vociféra le juge. « Ah ça, vous êtes folle ! Qui vous demande de l'aimer comme votre mari, avant qu'il le soit ? A-t-on jamais entendu pareille chose ? Est-ce qu'une jeune fille doit songer même à aimer un prétendu comme on aime un mari ? « Mais c'est absurde, ce que vous dites là, c'est inconvenant !» Barbara ne comprenait pas trop comment. Cela pouvait être inconvenant, mais elle baissait la tête en rougissant. « Et savez-vous ce que l'on dit maintenant dans tout le pays ? continua le père en s'échauffant de plus en plus la bile. « On dit que Barbara ne trouve point à se marier, que personne ne veut d'elle à cause de la tâche maudite dont notre nom a été flétri par... Je n'en dirai pas plus. Vous me comprenez. N'est-ce pas là une honte, une infamie ?»« Oui, » interrompit vivement Barbara, « c'est un odieux mensonge. Ce ne sont pas les propositions qui m'ont manqué. » « Mais à quoi bon ces propositions si vous les rejetez toutes les unes après les autres? Croyez-vous qu'on le sache cela dans le pays? Non, non, vous êtes une fille ingrate, obstinée et rebelle, et vous faites mon désespoir. » Barbara donna un libre cours à ses larmes. Le juge se leva et la tirait violemment le cordon de la sonnette pour faire desservir le thé. Puis, s'asseyant de nouveau, il reprit le long chapitre de ses griefs. Le juge était de sa nature très taquin et têtu. Du moment qu'il s'était formé une opinion, il n'en démordait point. Il y revenait sans cesse, il s'y appesantissait comme un forgeron qui frappe sur l'enclume. Au beau milieu du discours violent et orageux dont il gratifiait sa fille, discours où l'animation du geste se mêlait à celle de la parole, Carla elle pénétra dans la chambre. Près de 2 années s'étaient écoulées depuis la catastrophe survenue dans sa maison. Il était peu changé, ses cheveux avaient grisonné, voilà tout, et cela principalement du côté des tempes. Peut-être aussi avait-il perdu une certaine aisance dans les manières, quelque peu de son enjouement d'autrefois, mais il avait conservé la douceur de sa voix, la pénétration de son regard et son empressement ordinaire à se rendre agréable. Barbara, dès qu'elle l'eut aperçu, se leva et voulut s'en aller. « Non !» répliqua le juge en se plaçant entre Barbara et la porte. « C'est ainsi que vous croyez m'échapper? Vous ne sortirez pas. « Allez vous asseoir. Je tiens à vous faire honte en mettant Carlyle au courant de votre conduite, et cela en votre présence. » Barbara, les joues cramoisies, reprit son siège. Carlyle, assez embarrassé lui-même, questionnait M. R. du regard. Le juge racontait l'histoire à sa manière et de la façon suivante. « Vous savez, dit-il, le coup terrible qui a frappé notre maison il y a plusieurs années. Eh bien, ce n'est pas assez que l'on ait causé partout de ces ténébreuses affaires. Il faut maintenant que l'on en fasse rejaillir la honte sur ma fille, Barbara. Croiriez-vous que l'on prétend à présent, et que l'on dit dans tout le pays, qu'elle ne trouvera jamais à se marier à cause du crime commis par son frère? Plutôt que de subir une telle humiliation, plutôt que de rester ainsi courbé sous l'anathème et de donner prise à la médisance, ne vaudrait-il pas mieux qu'elle épousât le premier venu, même le bedeau de notre paroisse? C'est votre avis, n'est-ce pas? Ce serait celui de tout homme sensé. « Eh bien, ce n'est pas l'habit de mademoiselle. Elle s'obstine à rester fille, le croiriez-vous? Elle a reçu une multitude d'offres, une multitude !» répéta le juge en se frappant les genoux de ses deux mains. « Et cependant, elle les rejette toutes. Elle répond non à toutes ces propositions. Aujourd'hui même, le major Thorne a pris la peine de venir demander sa main. Même chanson. Mademoiselle, sans me consulter, sans en parler à sa mère, a pris sur elle de mettre son veto à ce mariage. En vérité, je n'y tiens plus. Je vais l'enfermer dans sa chambre, la mettre au pain sec à l'eau, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré son bon sens. » Carlyle jeta à la dérobée un coup d'œil sur Barbara. Elle était là, assise, la tête penchée, l'air pensif et résigné, mais plein d'affliction. Ses paupières baissées étaient humides encore des larmes qu'elle avait versées. M. Hare s'était arrêté pour reprendre haleine. Dans la chaleur de son débit, il n'avait cessé de tourmenter sa perruque, de telle sorte qu'elle avait fini par pirouetter sur sa tête. « Eh bien ?» reprit le juge, sans se douter de l'air ridicule que lui donnait cette perruque singulièrement campée. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » « Je pense, » répondit en riant Carlyle, « que le mariage, peut-être, n'est pas du goût de Mademoiselle Barbara. Je voudrais bien savoir ce qui est de son goût, » grommela le juge. « Mais à propos, » ajouta-t-il vivement, en changeant tout à coup de sujet, « on parlait beaucoup de vous hier au soir à l'hôtel du Dain, et l'on assurait que vous étiez sur le point de vous remarier. » Une rougeur assez vive colora le front de Carlyle, indice certain de l'émotion que venait de lui faire éprouver ses paroles. Toutefois, il eut assez d'empire sur lui-même pour déguiser son trouble. « En vérité, » s'écria-t-il avec nonchalance, « ah, vous êtes un rusé gaillard !» continua le juge. « Vous aimez à faire ces sortes de choses sous main. Vous rappelez-vous, votre premier... » Ici, M. R. s'arrêta subitement, comprenant qu'il n'était ni convenable ni de bon goût de réveiller les souvenirs du passé. Il se mit à tousser, comme pour mieux déguiser la sottise dont il avait failli se rendre coupable. On disait donc, dit-il en se ravisant, que vous fréquentiez beaucoup la maison de Sir John Dobede. Non pour le seul plaisir de voir Sir John, mais pour faire la cour à sa fille. Et c'est là vraiment ce dont s'occupe la tête de daim, demanda Carlyle avec bonne humeur. Oui, je l'avoue, Mademoiselle Dobede se marie. Et je suis même chargé de rédiger le contrat. Je ne parle point d'elle. Tout le monde sait en effet qu'elle épouse le jeune Somerset. C'est à sa sœur, à Mademoiselle Louise, que je faisais allusion. Elle est fort jolie, Carlyle. Oui, très jolie, se borna à répondre Carlyle. Le juge, fatigué d'être à la maison, ennuyé aussi sans doute de ne pouvoir rien soutirer de Carlyle, se leva, se regarda dans la glace, replaça sa perruque dans son assiette ordinaire et prit congé de l'avoué pour aller, selon son habitude, passer la soirée à la tête de daim. Barbara, qui de la fenêtre prenait un malin plaisir à le voir partir, l'aperçut s'arrêter devant la grille et entrer en conversation avec un homme dont il ne lui fut pas possible, tout d'abord, de distinguer le visage. Bientôt, cependant, l'inconnu tourna la tête. Barbara vit que c'était Locksley, celui qui avait témoigné en justice contre son malheureux frère, non par méchanceté ou par esprit de vengeance, hâtons-nous de le dire, mais parce qu'il ne pouvait faire autrement. « Que peut donc avoir mon père ?» s'écria Barbara. « Il faut que Locksley lui ait annoncé quelque mauvaise nouvelle. » Le voilà qui arrive en proie à la plus grande surexcitation. Il agite les bras et sa figure est toute rouge. « De quoi s'agit-il encore, mon Dieu ?» soupira Madame Hare en tremblant de tous ses membres. Le juge en ce moment pénétra brusquement dans la chambre et se plaçant en face de sa femme et de sa fille, il fixa sur elles deux un regard sévère. « Que viens-je d'apprendre ? » vociféra-t-il avec rage. « Qu'est-ce ? Qu'est-il arrivé ?» demanda Carlyle, s'apercevant que ni Barbara ni Madame Hare ne paraissaient disposées à prendre la parole. « Je viens d'apprendre, » reprit le juge, dont les yeux étincelaient de colère, « je viens d'apprendre qu'il est venu ici, déguisé en garçon de ferme, qu'il a osé se montrer dans ce pays où l'attend la potence. » Madame Hare faillit perdre connaissance. Sa figure était d'une pâleur mortelle. Carlyle comprit qu'il était important de payer de sa personne. Il s'avança donc résolument au-devant du juge, tandis que Barbara, effrayée, se réfugiait dans l'embrasure de la fenêtre. « De qui parlez-vous ? » fit l'avoué avec un sang-froid admirable. « De qui ? » répéta le juge. « Ah ça, et de qui voulez-vous donc que je parle, sinon de ce mécréant, de ce fils dénaturé, de cet assassin qui, pour l'honneur de West Lynne, devrait être mort et enterré ?»« Ah, mon pauvre enfant !» sanglota Madame Hare, la tête renversée en arrière sur le dossier de son fauteuil. « Pitié, pitié pour lui, c'est notre fils !»« Notre fils !» cria le juge. « Non, je le nie, c'est un fils du démon, si bon vous semble, mais ce n'est pas le nôtre. S'il est vrai qu'il ait eu l'audace de se montrer à West Lynne, je mettrai toute la police du pays à ses trousses. Lorsque Locksley m'a communiqué cette nouvelle tout à l'heure, j'en étais tellement abasourdi, tellement exaspéré, que je n'ai pas voulu y jeter foi. » J'étais sur le point de lever la main pour le châtier de son insolence. Enfin, me direz-vous, si vous avez eu connaissance de ce fait, continua M. Hare en se tournant brusquement vers sa femme. Qu'allait répondre la pauvre mère ? Nous l'ignorons, mais heureusement pour elle, car là elle intervint de nouveau. Du calme, monsieur, je vous en supplie. Ne voyez-vous donc pas que vous effrayez, Madame Hare ? Comment pouvez-vous ajouter foi à de tels bruits ? Continua l'avoué. Vous, un homme de bon sens. Voyons. « Pensez-vous que votre fils soit assez stupide pour s'être aventuré ici ? Non, cela n'est pas croyable. Laissez donc jaser les mauvaises langues, mais pour Dieu, ne vous mêlez point à ces commérages. Ce pauvre Richard, quel que soit l'endroit où, je vous défends de vous apitoyer sur son sort !» interrompit sévèrement le juge. « Ce pauvre Richard, parbleu, il n'a que ce qu'il mérite. » « Je voulais seulement vous dire, » reprit Carlyle, que quel que soit l'endroit où il s'est réfugié, il n'est guère probable qu'il se hasarde jamais à revenir à West Lynne. Rassurez-vous donc, et de grâce, ne prêtez plus l'oreille à de pareils contes. » M. Hare avait une très haute opinion du jugement de Carlyle. Il le consultait souvent et se conformait volontiers à toutes ses volontés. Or, voyant que l'avoué traitait aussi légèrement la nouvelle que venait de lui confier Locksley, il jugea prudent de laisser là cette question, et afin de mieux calmer sa mauvaise humeur, il se remit en route pour la tête de daim. « Oh, Archibald !» sanglota Madame Hare dès que son mari fut parti. « C'est la Providence qui vous a amené ici ce soir. Qu'aurais-je fait sans vous ?»« Mais comment cette nouvelle a-t-elle pu se répandre ?» murmura Barbara. « Je l'ignore. »« Mais je sais que d'autres encore en ont parlé, » fit l'avoué. Tom Herbert, par exemple, m'a raconté la même histoire que celle racontée par Locksley à M. Hare. J'ai tout lieu d'espérer que ces rumeurs vont bientôt cesser. « Que Dieu vous entende !» soupira la malheureuse mère en quittant la chambre pour aller se mettre au lit. Carla et Barbara demeurèrent seules. Barbara, assise à quelque distance de l'avoué, paraissait livrée à de sombres réflexions. Ses yeux fixés et inquiets trahissaient une pensée intérieure. On eût dit qu'elle voulait parler, qu'elle voulait confier quelque chose à Carlyle et qu'elle n'osait le faire. Tout à coup, elle releva la tête et d'une voix basse et timide, « Vous souvenez-vous de la description que nous fit Richard cette dernière nuit de l'individu qu'il avait rencontré, du véritable Thorne, oui ? Eh bien, n'avez-vous pas pensé alors, n'avez-vous pas pensé depuis que cette description s'accordait assez avec, avec un certain personnage ? Comment l'entendez-vous, Barbara ? » demanda l'avoué après un moment de silence. Richard avait beaucoup insisté sur un geste très ordinaire, du reste, auquel cet homme avait souvent recours, geste qui consistait à porter la main à son front et à rejeter sa chevelure en arrière. Cette particularité ne vous a-t-elle point frappé ? N'avez-vous pas été frappé aussi de la ressemblance qu'offraient la main blanche et cette bague ornée d'un diamant ? Que voulez-vous dire, Barbara ? Vous me semblez soupçonner quelqu'un. Et vous, ne soupçonnez-vous personne ? Ajouta-t-elle vivement. « Non, personne. Depuis que j'ai eu la triste pensée de douter de ce pauvre capitaine Thorne, je n'ose plus me fier aux impressions des autres ni aux miennes. » Barbara crut devoir abandonner ce sujet. Elle avait ses idées, des soupçons, vagues encore, mais qui tendaient à prendre de jour en jour plus de consistance, trottaient dans sa pauvre tête. Elle avait espéré que Carlyle les partagerait. La terrible catastrophe survenue à Eastline, le soir même où Richard jura qu'il avait enfin revu le véritable Thorne, avait seul empêché la jeune fille de communiquer plus tôt ses doutes et ses soupçons à son confident habituel, le bienveillant Carlyle. « J'ai perdu tout espoir de retrouver les traces de cet homme, » continua Barbara. « Quant à moi, » fit l'avoué, « je vous avouerai franchement que je n'attache pas grande importance à cette dernière révélation de votre frère. » Je crains que ce soit là une création de son cerveau surexcité. Après toutes les démarches et toutes les recherches que nous avons faites, il n'est guère probable que Richard ait véritablement revu, ce soir-là, le meurtrier de Hallijohn. Je nie cela, s'écria la jeune fille, et je voudrais être aussi certaine d'arriver un jour dans le ciel que je suis certaine de la rencontre faite cette nuit-là par mon frère. Vous-même, d'ailleurs, vous avez alors ajouté foi à sa déclaration. C'est vrai. Elle était faite avec tant de chaleur et de conviction que je m'y suis laissé prendre. Mais depuis lors, Barbara, j'ai réfléchi, j'ai longuement réfléchi. Il n'y avait personne à West Lyne cette nuit-là qui peut répondre à la description nommée par Richard. À West Lyne, non, mais ailleurs peut-être. Il faut attendre, Barbara, attendre que le temps se charge d'éclaircir ce mystère. Oui, mais on se fatigue à attendre ainsi, à attendre toujours. Ah ça, qu'avez-vous donc fait, dites-moi, pour vous attirer la colère paternelle ? Demanda l'avoué en changeant brusquement de conversation. Pour toute réponse, Barbara baissa les yeux en rougissant. « Ce Major Thorne dont parlait votre père, c'est notre vieil ami, je suppose ?» Barbara courba la tête en signe d'assentiment. « Un excellent homme, par ma foi, et plus d'une jeune fille du pays serait heureuse et fière de l'avoir pour époux. »« Oui, c'est un cœur honnête, je le crois du moins, » répliqua tranquillement Barbara. Mais d'un ton de voix cependant qui n'était point fait pour encourager Carlyle à continuer cette discussion. Toutes deux redevinrent silencieux. Carlyle, la tête renversée sur le dossier de son fauteuil, semblait rêver. Barbara, de son côté, s'agitait sur sa chaise. « Et cette autre rumeur qui circule dans West Lyne ? » demanda-t-elle tout à coup, à voix basse et sans oser regarder l'avoué. « Quelle autre rumeur ? » fit Carlyle en se redressant brusquement. « Votre mariage avec Louise d'Obed. » « Pure invention !» repartit l'avoué avec calme. « Je n'ai jamais songé à elle. Bien plus, je n'ai nulle intention de me remarier. » Barbara porta sur Carlyle des yeux pleins d'une douceur ineffable, mais pleins aussi d'une douloureuse surprise. « Qu'avez-vous à me regarder ainsi, Barbara ? Cela vous étonne ? Celle qui fut ma femme ne vit-elle pas encore ? Qu'importe ! » s'écria naïvement la jeune fille. Carlyle se leva du fauteuil, où il était assis, fit quelques pas dans la chambre, puis s'approchant de la table où se tenait Barbara, murmura la voix basse et d'une manière solennelle. « Quiconque répudie sa femme pour en épouser une autre commet adultère. » Et avant que Barbara fût revenue de la surprise où la plongeaient ses paroles, Carlyle avait quitté la chambre.